Journal Scandale. À Saint-Étienne, tous les mois. Sur Radio Dio 89.5. Et sur radiodio.org. C'est pour mes suceurs. C'est pour vous, mes suceurs. C'est pour mes suceurs. C'est pour qui? Celle-là, c'est pour mes suceurs. Ouais, toi aussi, là. Pour mes Dylan, pour mes beuteux, pour mes Chibrax, pour mes trans, PD Queen. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade. Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans une nouvelle émission de Pédale Scandale, l'émission qui ne parle pas de vélo, parce qu'apparemment ça laisse un doute, mais bien de pédale et de lutte PD. Si vous nous écoutez en direct, on est le lundi 13 mai, il est un peu plus de 20h30, et nous sommes en direct donc sur Radio Dio 89.5, la plus folle des radios. Ce soir, on se retrouve autour d'un livre dont on vous a déjà brièvement parlé dans une précédente émission. Ce livre s'appelle « La vie rêvée de Santa Piolle », récemment réédité chez nos camarades de Terrasse Édition. Pourquoi on veut en parler aujourd'hui ? Parce qu'il y a quelques semaines, on a eu la chance, pour certaines d'entre nous, d'assister à une présentation par son auteur, Hervé Brison, en compagnie d'Antoine des éditions Terrasse et d'Antoine de la librairie L'une et l'autre. Donc La vie rêvée de Santa Piolle, c'est un roman PD un peu fou, un peu folle, c'est le moins qu'on puisse dire, écrit par Hervé Brison et publié en l'an 2000 au rayon gay de chez Ballant, dirigé à l'époque par Guillaume Dustan, rest in peace. Ce livre, c'est l'histoire d'une jeune grande folle élevée par deux lesbiennes qui se vouent de passion pour le sexe, la baise. À travers les aventures de ce jeune PD, on se retrouve face à une forte critique de la normalisation du monde gay au sein de la société hétéropatriarcale dominante. Avec ses potes et notamment son amant Daniel, il décide de monter un groupe d'action directe, le TGP, pour Terrorisme, Gwyn et PD, afin de tout faire sauter et détruire ce monde capitaliste straight et beaucoup trop sage, et tout ça à l'aide de God et de Poppers. Donc ça y est, vous avez compris pourquoi on l'adore. Dans ce roman, tout le monde en prend pour son grade, et ça on va en parler, le monde hétéro, les gays intégrés, ceux qui cachent leur homosexualité, mais surtout les religions, les pouvoirs politiques et les institutions, tout est à détruire et tout y est détruit. Ce livre est souvent drôle, parfois vraiment grotesque et provocateur, mais vraiment subversif et profondément anarchiste. Bref, ce livre, il est culte pour toute une partie de TPG quarantenaire qu'il avait vu sortir. On l'aime encore, même si aujourd'hui des passages nous hérissent un peu les poils. On y reviendra et on est contente de pouvoir le faire découvrir ou redécouvrir à nos auditeurs d'aujourd'hui. Pour commencer cette émission... Ah oui, alors ne dites pas trop de conneries les pédales parce que Hervé Brison nous écoute, c'est sûr. Donc pour commencer cette émission, écoutons Hervé Brison, son auteur, qui va nous présenter son livre. Bon, merci d'être venu, c'est gentil. Ce roman donc, a été écrit en tant qu'a publié en 2000. Alors c'est une présentation anachronique parce que c'est 2000, ces années où les mouvements accédaient à l'homonormalité, ce qui est très bien, donc j'ai aucune critique là-dessus. Et moi d'emblée ça m'a gonflé, donc... Enfin, je veux dire par là, c'est que c'est un livre un peu à lire entre deux... Un livre indétendable, complètement, c'est totalement indétendable. Et donc ce que je voulais, c'est que, parce que j'avais un vieux passé, à l'époque où j'étais jeune, mais j'ai pas l'air, mais j'étais jeune à l'époque, j'avais un vieux passé militant, et donc moi j'étais totalement persuadé que militer pour la cause Gwyn PD, c'était les termes qu'on avait à l'époque, maintenant... Et c'était maintenant c'est queer, LGTB. À l'époque, à mon époque, c'était Gwyn PD, voilà, point barre, et trans. Gwyn PD trans, c'était comme ça. Et ça me semblait. Après, ça a évolué, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et j'étais persuadé que pour mon passé militant, qui était dans ma petite ville à Montpellier, que le changement ne pouvait passer que par l'action directe. Sans faire une référence à son direct. Enfin, oui, un peu quand même. Me poser pour l'action directe. Et que tout ce qui était mouvement militant, ce qui est très bien, loin de moi d'avoir une idée à l'inverse de ce que c'est fait, de ce que, à quoi ça conduit. C'est pas ça, mais que. Et donc, le délire, c'était un peu de dire si on veut tout changer, il faut changer maintenant. Et que le changement ne se fait que dans l'opposition et dans l'agressivité. Et je le revendique. Et là, je n'ai pas changé d'avis. volé, mais c'est pas dans les livres. Et donc il fallait, dans un roman, heureusement c'est un roman, on peut se faire ce qu'on veut, comme je me voyais mal commander des Mirage 20, des chars, machin, donc il me fallait un personnage qui soit capable d'unifier par des pouvoirs qu'il a, de lâcher des bombes, c'est un personnage principal peut voler sous certaines conditions très particulières. Et donc, et c'était de dire qu'il faut vraiment renverser les choses. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de dire ne pas du tout m'intéresser à la culture hétéro, ne pas du tout m'intéresser à la culture homo, et m'intéresser à la sous-culture homo, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà à l'époque marginalisés par leur propre communauté. C'est pour ça qu'on apparaît des suceurs de bides dans les tasses, enfin pour les plus anciennes, c'est les Vespasiennes, des vieilles folles coiffeuses qui mettent des perruques blondes parce que pour elles, parce que les rebeux n'aimaient que les grosses blondes, et donc elles se transforment en grosses blondes, et les gouines radicales. Et donc, c'était vraiment, je voulais m'intéresser à la sous-culture, la sous-norme, dans laquelle moi je me reconnaissais complètement. Hein, et c'était aussi dire pour moi que c'est ce mouvement de normalité, je critique pas du tout, au contraire, bien sûr, je suis marié, mon mari est mort il y a pas longtemps, mais je me suis marié, donc, c'est pas du tout les acquis, mais c'est pour dire s'intéresser aux gens qui sont déjà marginalisés au sein de leur propre communauté. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnages, des trafiquants d'organes, il y a de tout. Et donc, en fait, pour que vous sachiez, tous les personnages ont existé, pas sous cette forme-là, hein, c'est-à-dire pas de... Mais bon, c'est vrai que le trafiquant d'organes est un médecin que j'ai connu, il n'a jamais trafiqué d'organes, mais c'était... Enfin, j'en sais rien. Il aurait pu le faire. Le départ du livre, c'est que... Enfin, sans... on peut spoiler le livre, mais c'est... Ça commence par la mort d'une dame qui est enceinte et qui se fait écraser par un éléphant dans un coup de force. Et en fait, c'était la mère de mon mari. Elle était adorable, ma belle-mère, mais qu'est-ce qu'elle était chiante. On va commencer par ça, on va s'en débarrasser. Et donc, ça vient... Après, il y a une couple de Gwyn, avec mes études, et voilà. L'idée, c'était vraiment ça, c'était de dire, et je le revendique encore, c'est de dire qu'on ne change, on change par la voie légale, ça c'est parfait, les discussions, mais l'idée, c'était une espèce, un roman, on apprend ce qu'on veut, un roman après, des langues, des quoi, c'est de dire que, voilà, c'est que le vrai changement se fait dans la violence. Mais je le revendique honnêtement, hein, la violence dans l'extrême, on va dire l'extrême. Et donc, d'ailleurs, dans le roman, il renverse réellement le gouvernement. Bon, ça termine mal, plus ou moins, mais enfin, bref. Mais c'est normal. Mais il renverse réellement le gouvernement. C'est-à-dire que c'était toujours mon idée. Hein. À l'époque, c'est qu'il faut de l'extrême pour changer les choses. Il faut du suave, il faut du législatif, heureusement, je veux dire qu'on est dans la démocratie, ben voilà. Mais c'était pas du tout l'idée que j'avais pour écrire ce roman, c'était il faut l'extrême, voilà, il faut l'extrême, et le respect de la marge de la marge. Et tant qu'on respecte ce qui représente une déviance, des portes hétéros, une déviance, nous, moi je voulais aller au-delà de la déviance. Je voulais aller de la déviance de la déviance. C'est-à-dire que, voilà, c'est exactement ce que vous voulez dire. J'ai été clair, pas du tout. On suit. Cet extrémisme, il est incarné dans le livre, dans un groupe un peu mystérieux qui se réunit dans une usine et qui se nomme TGP. Pour terrorisme Gwyn et PD. Moi, je me pose la question de comment c'est reçu ce truc-là en 2000, parce que Il y a eu Action Directe, comme tu as dit. Enfin, tu vois, c'est... Comment en 2000, alors qu'on est complètement sorti de ça, et en plus les communautés gays ont été traversées par le sida, comment ce truc-là est reçu? Alors, un peu sans être chiant, ce livre j'ai écrit, en fait, j'avais essayé de mon bureau, et c'est mon mari qui l'a envoyé au disant ballon. Moi, j'en savais rien. Oui, alors on peut peut-être parler de la première couverture. C'était l'hôpital, parce que moi je suis un hôpitalier, en autruche chez moi, et en Jacqueline Maillan poubelle, c'est mon mari. Bon, enfin bref. Enfin bref. On peut virer le public. Et en fait, donc, ils m'ont édité ça, et c'est vrai que Guillaume Dustan, qui était directeur de Rayon Gay de Ballan, pensait que, on va dire, comme tout le monde, une grosse maison d'édition, et il n'avait pas marché. En fait, c'était un véritable, sans oublier, c'était un véritable succès en 2000. Hein. Mais vraiment, ça a été un véritable succès. Et je me suis aperçu de façon incroyable, parce que c'est le marchand, les éditeurs. Oui. Comme les libraires. Plus tu vends, plus on t'habite, plus tu... Voilà, voilà. Oui. Et en fait, ce qui était... Plus on t'aime, surtout. Ce qui était fou, c'est que 70% des signatures étaient des signatures de d'hétéros. Ah bon? Ça, ah oui, je peux te jurer. Et en fait... C'était libératoire pour eux. Enfin, ce que j'ai entendu, tu sais, quand on me demande. En fait, je crachais la, enfin, crachais la gueule, pas sans parler, je veux dire. Mais je crachais la gueule des hétéros et des homos, pareil. Et les signatures les pires que j'ai fait en 2000, je vous le jure, c'est de la librairie PD. On m'a tout reproché. La librairie PD, les mots à la bouche, tout reproché. Je parlais pas du sida, je parlais pas de ça. Je pouvais très bien en parler puisque je l'avais, donc... Mais je n'avais pas du tout envie de parler de ça, je n'avais pas envie de faire un pathos. Et c'était vraiment... Et mon plus gros public, entre guillemets, il prenait ça comme libératoire, comme parole, c'est-à-dire qu'en fait, il s'en prenait plein la gueule, mais il trouvait ça drôle. Il disait, c'est comme si je l'autorisais à dire, bah oui, on est comme ça, et bah si tu le dis, c'est, on doit être comme ça. Voilà. C'était un peu... Donc l'accueil, c'était à la surprise générale, à la première d'ailleurs, et à mon éditeur. C'était vraiment la surprise de la présentation, c'était comme ça. D'écouter Policia de Homo Militia. Un groupe polonais, de queer polonais, qui date de, aussi, je pense, de bien. Peut-être pas le début des années 2000, mais au moins entre 2000 et 2010, je pense. Voilà. Et Alors, je sais pas, vous avez des réactions, vous, à ce que nous a raconté Hervé? Ben, c'est dur d'avoir des réactions, il nous écoute, du coup, faut qu'elles soient appropriées. Non, mais ce qui est super, c'est de retrouver l'ambiance de cette rencontre, et puis je trouve sa manière de parler, il dit directement, hein, c'est un livre indéfendable, et je trouve que lui, c'est un auteur complètement irrévérencieux, et puis en même temps pas, parce qu'il est quand même très... Il est hyper sympa et comme respectueux, mais c'est vrai qu'il balance, quoi. Bah oui, moi, de l'avoir rencontré, enfin, écouté nous présenter son livre, je pense que ça me fait encore plus lire de... Enfin, rire de relire ce livre, moi, je pense. Mmh. Voilà, c'est comme un sacré personnage. Mmh. Et en écoutant les petites bribes comme ça sorties de cette rencontre, moi ça me fait regretter de ne pas avoir pu venir à cette rencontre. J'étais en train de lire le bouquin à ce moment-là, mais du coup je regrette de ne pas avoir pu venir à cette rencontre qui avait l'air d'être vraiment, vraiment chouette. On va lire un petit passage. Tous les jours, un peu plus, je découvre le bonheur d'être PD. Si la réincarnation existe, faites que je revienne en folle perdue. Déjà adolescent, malgré les doutes, la peur de me sentir exclu, différent, je pressentais que j'allais adorer cet état. Si, plus jeune, le sentiment d'être en dehors des normes partout représentées m'avait effrayé, je voyais bien aussi que ce qui animait les garçons et les filles hétéros de mon âge me paraissait stupide et contre nature. Rivalité machiste, peur niaise feinte des filles, souci de mettre en avant une virilité à peine naissante, discours faux et imprégné de séries télévisées pour adolescents, toute une série de codes imposés pour une adolescence dite normale. Comme dans la chanson pour enfants, les messieurs font comme ci, les dames font comme ça. Oui, le bonheur d'être PD, d'avoir le sentiment que toute une gamme de lois ne vous concerne pas. Aimer les garçons aux jambes arquées, les t-shirts jetés en boule pendant l'amour, l'odeur de la sueur qui mouille les draps, un pied cambré aux orteils larges, la tension des muscles qui dessinent une cuisse, les arrières-salles obscures de bars où se rendent les mecs pour s'envoyer en l'air sans se voir après une séance de cinéma avec leur meilleure copine. Les allées de parc où le désir vous tenaille, ce sexe toujours possible, toujours en éveil, ces rencontres de l'autre où l'achat à crédit d'une cuisine intégrée n'est pas forcément l'épilogue. Ce regard décalé sur les choses et les gens parce que plus attentif au désir et aux haines. Ce banquier qui craque sur l'apprenti maçon et cette folle coiffeuse qui, par amour, va s'intéresser au tractopelle de son amant. Ce mélange des genres et des lieux, ces portes cochères où l'on croise et ces dessous d'escalier qui se transforment en chambre nuptiale. Cette folle serveuse de restaurant qui, tout en vous prenant la commande, va demander à votre mère le nom de son parfum. Ces appartements décorés comme des bonbonnières de foire, ce goût du mélange, cette passion de l'iconoclaste. Ces amours qui vivent sans prétexte d'enfants à élever, de convenances ou de belles familles à préserver. Ce petit banlieusard aux yeux riches, aux yeux de biche, qui préfère Visconti au rap, cet agriculteur qui se met du gel dans les cheveux avant de monter sur son tracteur. Le bonheur de n'être vraiment jamais à sa place, le petit détail qui fait que l'on n'est jamais aussi conforme que le voudraient les autres. Oui, j'aime les tantes parce qu'elles sont gentilles avec les vieilles dames et séduisent toujours la maman de leurs petits copains. Médecins le jour, elles se font pisser dessus dès le soir. Tourneur-fraiseur de 8h à 17h, elle se métamorphose en enculeur cuir le soir venu. Folle capable de payer très cher un mauvais repas uniquement parce que le serveur, désagréable et hétérosexuel, ressemble à Brad Pitt. Folle qui conseille leurs copines de bureau sur la couleur de leur mascara et qui, entre deux séances de pipe au fond du backroom, font salon pour parler du dernier opéra créé. Folle mauvaise, mais jamais sans humour. Folle au-delà des cultures et des rôles voulus pour elle. Les seuls capables d'aller à la plage, par 30 degrés, en chaussettes de laine blanche et bordequins de haute montagne parce que c'est la mode, et de trouver cela absolument normal. Folle, qui n'aime pas les enfants et ose le dire, qui aime la corrida pour les couilles moulées du torero, et qui, comme les petits bourgeois, ont peur du gitan, mais qui craque sur son look de voyou dangereux. Folle épilée et parfumée qui meurt d'amour pour l'avant-bras du poilu du livreur de pizza qui se marie tous les 4 jours et sont fidèles 40 minutes. Folle de tout et de son contraire. Folitude qui mélange les races, les genres et qui détourne règles sociales et devoirs. Folle à tanga ou body collant, à crâne rasé ou mèche décolorée, au corps d'éphèbe ou de rond de cuir, les bodybuildées qui poussent un cri suraigu quand elles font tomber leur sac de sport, les costumées cravatées. Folle chic ou prolo unis par la même huile corporelle, folle de chantier qui rêve de star et folle d'opéra qui rêve de cambouis. Folle de magasins et folle de randonnées de montagne équipées comme pour un défilé de mode sportive. Folle insaisissable et prévisible, folle de liberté, d'envie et de caprice. Pour toutes ces raisons, je vous aime et je déteste les honteuses qui se gâchent la chance d'être une tante. Lopel, Lopette, poil à gratter du monde, sainte tapiole, priez pour nous et faites que jamais nous nous emmerdions la vie comme nos voisins hétéros. Je promets, sainte tapiole, de fleurir tous les jours ton autel, de fleurs artificielles, bien sûr en velours rouge. Je déposerai au pied de ta sainte effigie le modèle XXL du moulage de l'acteur porno le mieux monté, sans l'avoir utilisé avant. Tous les jours, je parfumerai ta statue au numéro 5 et je te passerai la vidéo de Freddie Mercury. Mais je t'en supplie, ô sainte protectrice des travestis, des transsexuels, tantes et enculées du monde entier, protège-nous de toute tentation hétérosexuelle en acte et en pensée. Donne-nous nos hommes quotidiens et serre-nous au chaud entre tes mamelles siliconées. Let's take an odyssey through time and space to a place where the girls wear blue and the boys wear leashes. At least when there is a difference. Remember the chick it called Bass, so she's not herself. And she's wearing a strap on her slap and your ass with a lion's belt. Oh, while you're hanging from the ceiling. One of the boyfriends introduced you to her. Now he's one of your boyfriends, cause you want to impress her. Toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission Pédale Scandale et on vient d'écouter Trans Starship Feminist BDSM Paradise de Doc Parks Dissident. L'extrait que tu viens de lire, bon, il est complètement culte, mais c'est vrai que je le trouve finalement c'est emblématique aussi du roman, ce mélange de tout et n'importe quoi, cette diversité des folles, ces caricatures, finalement c'est un condensé de ce roman quoi, parce que c'est un peu ça. En tout cas, de tous les personnages qu'on va recroiser par la suite et qu'on aimerait croiser tous les jours dans notre vie. On s'écoute maintenant ce que Hervé a à nous raconter sur le contexte de l'époque et de comment il a écrit ce livre. On a eu la chance avec Pierre de connaître les gens du phare à l'époque. Et quand on est revenu à Montpellier, le phare a essaimé comme GLH. au mouvement de libération homosexuelle. Parce qu'à l'époque, LGTB, tout ça, homosexuel pour nous, ça réunit tout. Ça réunit les gouines, les BD, les trans, le vocabulaire a changé, tant mieux. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Après, on a changé. C'était mix de héros. Parce que, et puis, arrêtez de coups, enfin bref. Et c'était vraiment. Et déjà à Montpellier, qui était une ville universitaire, mais enfin, ça n'a pas été facile d'imposer le mouvement. Pas du tout. Le GLH, on était 7 ou 8 qu'on a créé. Hein. On faisait des manifs, on arrivait à être bloqué. Hein. On arrivait à bloquer la place de la Comédie. Personne ne connaît Montpellier ici. Oui. On arrivait à bloquer à 8 personnes. Hein. Wow. On faisait ce qu'on avait des gros tas, on se jetait sur le sol, on se mettait là, au puce de Montpellier qui avait lieu aux Arceaux, donc ça ne tarde à personne. Voilà, bon. Et donc on avait une référence déjà biblique qui s'appelait, on avait une table où on mettait des galettes et des verres dans la ville, on disait manger des buvets, ça ne pourra pas t'aider. Et c'était des aux parents, c'était. Voilà, c'était un peu le. Mais c'est vrai que cette militance, j'ai hérité du phare et du gélage, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et ce livre là s'appelle La vie rêvée de Sainte Apiole. Présente-nous Sainte Apiole. C'est qui Sainte Apiole? Ça parle à personne, Sainte Apiole. Alors, Apiole, ça parle des saintes. C'était justement pour donner un aspect sacré pour mieux piétiner les saintes. Alors, toutes les saintes sont des putes, et c'est pour ça qu'elles ont. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, quand j'ai plus de ça n'a rien de péjoratif. Hein. Mais toutes les saintes ont été sanctifiées, et c'est pour justement donner un aspect blasphématoire sur le titre. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'ailleurs qui ont écrit, qui ont acheté la vérité de la bonne, pensant que c'était vraiment la vérité. C'est pour ça que le Marou a eu autant de succès chez les hétéros. Non, c'est pas un mensonge. Les gens qui ont acheté ça en pensant vraiment que c'était la vérité. Et après, ta piole, il est bon, je te fais un peu de Ah, je sens. Et quand ils ont lu le livre, ils ont bien compris. C'était un appel d'acteur. Je suis 3000% athée, donc on peut pas m'accuser. Mais c'était la partie drôle de ça, de donner cette histoire-là. Voilà. Et je sais pas, qu'est-ce qui pousse un jour à Hervé Brison à écrire un truc pareil En fait, ce livre a été écrit très rapidement. Hein. J'ai écrit en un mois et demi, deux mois, sans aucune idée. Sans faire mourir ma belle-mère au début. Ça, c'est vrai. Ah, c'est pour ça. Est adorable. C'est vraiment chiant, mais vraiment adorable. Et en fait, je ne suis pas badassien, heureusement. Enfin, non, pas heureusement, malheureusement. Mais en fait, chaque fois que j'écrivais, les autres bouquins que j'ai écrits, en fait, viennent, il n'y a pas d'idée. Il y a une idée de départ. Non, il n'y a pas d'idée de départ. Non. Il n'y a pas d'idée de départ. Et c'est qu'à la fin du paragraphe, la dernière phrase te dit ben, où tu vas maintenant. C'est pour ça que dans Saint-Apiole, il y a beaucoup de gens qui meurent. Parce qu'en fait, j'avais créé tellement de personnages, je ne savais plus quoi en foutre. De Bruin qui adopte cette apiole, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ben, j'ai fait tuer par un psychopathe des Cévennes, c'est qu'il les massacre, un macho qui les massacre. Je ne sais plus quoi en foutre. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont, je ne sais plus quoi en foutre ces personnages. Mais en fait, il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas de l'idée directrice. Quoi. C'est la dernière phrase, et puis attendez 3 jours, 4 jours. Bon, je vais faire de tout ça. Voilà, c'était. Je sais pas si c'est pas ta question, mais. C'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Vous êtes toujours en direct sur Radio Dio 89.5 dans Pédale Scandale. Et du coup, ce soir, on vous parle du livre La vie rêvée de Sainte Apiole de Hervé Brison qu'on vient d'entendre. Nous raconter un peu comment il a écrit ce livre et le contexte de l'époque où il a écrit. Et moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il écrit un livre comme ça, c'est-à-dire de ne pas savoir ce, où il va et ce qu'il va faire de ses personnages après. Je trouve ça très étrange comme manière d'écrire. Mais du coup, on comprend peut-être mieux pourquoi ce roman est complètement délirant aussi. Tout à fait. Vous aviez d'autres réactions? Ben, juste que, enfin, moi j'adore le roman, du coup j'étais très très curieux de rencontrer cet Hervé Brison, donc qui est venu à Saint-Étienne il y a un mois début mai. Donc même pas un mois. C'est intéressant aussi de voir d'où est-ce qu'il vient et de savoir qu'il était militant au FARC et de voir aussi un peu les références. Enfin, je sais pas dans quelle mesure il a conscience de les faire, mais là avec La vie rêvée de Saint-Apiel, c'est aussi un peu une référence à Genet et à tout un côté mystico, blasphématoire. Voilà, c'est un peu un livre, un livre qui se soucie vraiment pas de faire de la littérature en fait. Et c'est visiblement comme ça qu'il a écrit, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors du coup, on l'a dit dans l'introduction, mais ce livre, il vient d'être édité puisqu'il avait été la première publication, c'est début des années 2000, exactement. Et mais il avait été vite épuisé, je crois, parce qu'il n'avait pas dû sortir beaucoup d'exemplaires, j'imagine. Bah c'est pas parce qu'il a l'air de dire que ça avait fait un grand succès. Je pense qu'il avait quand même eu des rééditions, mais à un moment, il était plus réédité. Bon, en tout cas, du coup, il a été réédité par nos camarades des éditions Terrasse. Et du coup, on a demandé à Antoine de nous raconter un peu pourquoi et comment ils avaient réédité ce livre. Du coup, on l'écoute, Tom. Alors, moi, j'ai découvert La vie rêvée de Saint-Apiol, le roman de Stéphane Brison, à un web, au premier web qui était organisé. C'était du coup en 2011, je sais plus. Et du coup, c'est Alexis qui m'en avait... Enfin, j'en avais déjà entendu parler plein de fois, mais j'avais jamais pu mettre la main dessus. Et du coup, Alexis, qui était grand fan de ce livre, en fait, m'en a filé une photocopie, puisqu'en fait, il le photocopiait pour pouvoir le donner ou le prêter à des gens, puisque le livre est introuvable. Et ça fait un peu ces livres un peu qui font choc quand, en fait, on est quand même affamé, disons, de représentations révolutionnaires de nous-mêmes. Et c'est vrai que trouver un livre qui est assez rare dans sa catégorie, qui met en scène des transpédéguines qui font la révolution, quoi, et qui s'organisent entre damnés de la terre, quoi, et en tout cas entre l'idée de la transpédéguinitude. Voilà, du coup, c'est un livre que j'avais lu en 2 secondes. Je l'avais vraiment avalé. C'est vrai que. Je sais pas, j'ai jamais oublié ce livre. Et du coup, il a toujours représenté quelque chose d'assez important, sans trop en parler non plus, puisque en fait, comme c'est un livre introuvable, c'est un livre qui est un peu figure de mythe. Mais je pense qu'au-delà de quand même rééditer le livre, enfin, on voulait comme aussi, je sais pas, rencontrer Hervé, et puis un peu chez ses bouts de vie, et Pierre aussi, qui était son mari depuis très longtemps, qui nous a quittés à la fin de l'année dernière. Et voilà, et du coup, c'était un peu voir comment... parce qu'en fait, quand t'édites un livre pareil, en fait, tu te mets aussi à travailler avec celui qui l'a écrit, quoi. Du coup, pour nous, c'était important de voir comment ça allait matcher entre eux et lui et nous, quoi. Et en fait, du coup, vu que moi, je travaille j'œuvre au sein des éditions Terrasse, en fait, j'ai pas un dimanche matin, ça fait très... Saint-Apiol a dû taper à la porte de ma conscience. Je suis réveillé un matin, à 10h du matin, j'étais avec des camarades au bord de la mer. Et d'un coup, j'étais là, ah putain, mais La vie de Saint-Apiol, quoi, what the fuck. Ce livre, faut absolument le rééditer. Et du coup, je sais pas, c'est devenu une sorte de... J'étais illuminé par les faveurs de Saint-Apiol, quoi. Et du coup, voilà, je sais pas, j'ai trouvé le numéro d'Hervé Brison sur Internet, puisqu'il avait monté une revue, il avait monté une galerie d'art queer à 7, et du coup, il avait son numéro sur Internet. Et je l'ai appelé, et du coup, je la voilà, je m'appelle Antoine, et j'aimerais bien rééditer ton livre. Léa, là, mais t'es qui? Il est déjà là. Et je lui ai dit, moi, je suis une pédale anarchiste. Il m'avait, ah, ça me plaît, ça. Et voilà, c'est un peu le début de l'histoire, quoi. En tout cas, c'était une évidence de vouloir faire un lien, disons, autour de ce livre, un lien intergénérationnel, parce que c'est un livre qui avait marqué la génération des transpédéguines ou des queers des années début 2000, et qui pouvait trouver un écho aujourd'hui avec les jeunes TPG, quoi. Qui du coup se fondaient plus du coup leur énergie politique ou révolutionnaire ou désir de lutte dans un cadre historique et politique différent, mais qui pouvaient trouver un écho dedans. C'était hyper soulageant comme moment de sentir que quelqu'un à un moment avait créé un imaginaire radical, révolutionnaire, mené de manière autonome par les sous LGBTQI, c'est-à-dire pas par super gay slash du stand ou super gwyn, je sais pas, Sontag ou Wittig, mais avec les rebuts du monde LGBTQI, c'est qui s'organisaient de manière très structurée, très intelligente et très fonctionnelle, puisqu'en fait leur but étant de foutre la merde, d'y arriver avec brio. Et en fait, je trouvais ça hyper soulageant de sentir qu'à un moment, on nous proposait une vision de la réussite, enfin, une vision, une sorte d'utopie politique, révolutionnaire, qui n'était pas basée sur, en fait, l'excellence des acteurs et actrices de cette lutte. Et en fait, je trouvais ça hyper inspirant de se dire, ah ouais, en fait, du coup, il y a quelqu'un qui pense qu'en fait, la vraie révolte, elle peut venir par ceux et celles qu'on pense qui servent vraiment le plus à rien. Et en fait, bon, je ne sais pas dire exactement comme ça, mais en tout cas, du coup, je sais pas. Et en fait, je sais pas, c'est un livre qui m'a toujours hyper marqué. En fait, c'est un peu bête, ça me fait penser à un autre film qui a un peu rien à voir, mais Raspberry Ride, par exemple, de Bruce LaBruce. Je sais pas pour ceux et celles qui l'ont vu, en fait, c'est un film porno slash arty, mais où c'est des. En gros, c'est des PD qui remettent au goût du jour la lutte armée en disant qu'il faut que tous les hétéros deviennent PD pour. Nanana. Et du coup, c'est pareil, c'est des moments un peu de qui font dire « Ah, mais en fait, il y a des personnes qui croient aussi à ça, qu'en fait, on peut incarner quelque chose de révolutionnaire parce qu'on est pédé ou pédé parce qu'on est révolutionnaire. » Direct sur Radio Audio 89.5 dans Pédale Scandale et on continue à vous parler du livre « La vie rêvée » de Santa Piole. Et on vient d'écouter le morceau « Queer as in fuck you » de Dog Park Dissidents. Avant ça, du coup, on a écouté un peu Antoine, qui a réédité ce livre, nous parler un peu de pourquoi et de ce qu'il aimait dans ce livre. Et moi, je trouve qu'il résume assez bien aussi, moi, ce que j'aime dans ce livre. Et aussi parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de nous, et en tout cas en français, comme il dit, et que bah, celui-là, il parle de nous, les transpédéguines révolutionnaires, quoi. Et c'est pas souvent. Et ça fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah bah grave, ça fait un bien de ouf de se sentir exister dans ce bouquin et de se dire qu'on peut briller de manière dégueulasse comme on le fait et qu'on peut faire... On peut foutre le bordel quand même et y arriver, quoi. On va vous lire un nouvel extrait du livre. Cette arche de Noé de la pédale nocturne n'arrête pas de se remplir. Toutes les 100 minutes, précédées par le gardien, des groupes bruyants débarquent. Comme des processions, des délégations de zarbis ondulants, les uns après les autres, par vagues successives, arrivent les archétypes de la folitude planétaire. Voici d'abord le groupe des travelots brésiliens, qui fait son entrée. Sur un rythme de salsa, grande et perchée sur des semelles compensées, entre une succession de crinières noires ou rousses, de corps moulés dans des fourneaux argentés ou des bodys léopards, opérées ou non, elles sont toutes là, les seins tendus, le bassin cambré et un rasoir caché sous le cache-sexe. Vient ensuite l'association des vieilles tantes urophiles. Un groupe de tranquilles petits vieux franchit la porte. Une valse de musette retentit. Les yeux plissés et malicieux, ils portent sur la tête, à la façon des femmes africaines, de petites cuvettes en plastique. Chacune déborde de mouillettes de pain trempées d'urine. Gestes ronds et hanches furtives, ils défilent devant moi comme un troupeau de dignes dindons. À peine sont-ils installés dans un coin de la salle, des cris stridents me font tourner la tête vers l'entrée. C'est le groupe des larves et fiers de l'être qui fait son entrée. De jeunes gens au corps blanc et faméliques, rampant et tortillant, avancent sur les genoux. Menottés, cagoulés, entravés aux chevilles par des barres d'acier, seins percés et queues traversées par des pointes, ils progressent en gémissant. Ils s'arrachent des lambeaux de peau. Leurs jeans maculés ne tiennent que par la crasse. Ils poussent de leur nez des écuelles remplies d'un brouette immonde. Ce troupeau de lopes vient se lever au pied des brésiliennes. Daniel, qui était resté debout derrière moi, se penche à mon oreille. Ils sont là aussi, c'est bien. En effet, à cet instant, la congrégation des folles coiffeuses et antiquaires réunies fait son entrée. Un air de Patrick Juvet les accompagne. Chic et propre, elles ont délicieusement marié le style Tati et Saint-Laurent Rive-Gauche. Mélange de foulard et de chemisier, pantalon large ou corsaire, elles s'acheminent à petits pas en pouffant tous les mètres. De grosses bagues en plastique fluorescente renvoient la lumière sous des tignasses décolorées et parfaitement laquées. Quelques portables sonnent et sont l'occasion de cris sur aigu. En dame chic, elles ont amené leur chaise pliante pour s'asseoir et font la bise aux larves qui s'enfuient en grognant, dégoûtées par tant de gentillesse. Des sons de trompettes envahissent le sous-sol. La messe du couronnement de Mozart surgit de deux gigantesques postes portés par des Amazones à moitié nue. « La reine des Gouines, Sonia la Rouge !» me murmure Daniel. Sonia la Rouge apparaît sur un lit à baldaquin de cuir noir. Le lit est porté sur les épaules de 8 Gouines camionneuses, tout autour du lit qui oscille au gré des porteuses de jeunes filles denses et chaloupes. Un fouet claque et le cortège s'immobilise. Sonia la Rouge, grande rousse à la peau laiteuse, distribue les bonbons à l'assistance. De jeunes lesbiennes vêtues de soie apparaissent. Elles tiennent des guépards en laisse. Le cortège se ferme par une dizaine de camionneuses, gardes prétoriennes aux cheveux courts, au ventre saillant, plantées dans des rangers sans cuir qui feraient passer pour efféminés des parachutistes velus. Les folles coiffeuses se poussent en râlant pour permettre au trône de Sonia, la rouge, de se poser. La délégation royale, à peine en place, voilà qu'apparaît une grande banderole jaune et or. Confédération des tapettes à lunettes et autres qui ne sont pas à la mode et ne font rien pour l'être. S'ensuit une trentaine de tapettes en jogging de supermarché, en short à fleurs, en pantalon tergal pli permanent, en mocassin de croûte de cuir ou sandales en coton tricolore. Les plus dissidents sont en baskets plates. Un défilé de petits gros et de grands maigres, de binocleux et de porteur de dentier. Un grassouillet en short de satin rouge et débardeur Ricard ondule derrière un employé de la RATP en costume de travail. Poings noirs, jambes poilues et corps blancs s'affichent sans vergogne. Ils accrochent leurs banderoles au fond de la salle. Mais nom de Dieu, d'où viennent-ils ? Je n'ai pas le temps de poser la question, car paraît la délégation des folles du bâtiment et de la mécanique. Durs authentiques, ils défilent en rang serré. Casque de chantier contre clé à molette. Le bronzage Marcel est fièrement exhibé. Les outils battent les cuisses. Une montagne au ventre en pneus de tractopelle porte à bout de bras un marteau piqueur. Une odeur de graisse et de cambouis couvre celle des bonbons. Il y a maintenant foule dans le sous-sol de l'usine. Daniel semblera lui. Moi, de plus en plus inquiet. Tout ce petit monde s'installe, s'invective gentiment et prend des nouvelles. Comme à un pique-nique du week-end, des victuailles de première nécessité commencent à circuler. Le rosé sort des glacières, des boulettes de shit sont lancées en l'air, un grand miroir central posé par les brésiliennes sur une table basse sert de base aux lignes de coke. Une fontaine de bière est installée dans un coin. Quelques folles ont amené des gâteaux aux champignons hallucinogènes. Un flacon géant de 10 litres de poppers monté sur un caddie circule dans l'assemblée de nez à nez, comme la Sainte Eucharistie. Quelques délégations finissent leur entrée. On peut voir apparaître dans l'ordre l'association des travestis opérés et devenues lesbiennes, les ménagères ontophiles, l'amicale européenne des tantes de plus de 80 ans qui veulent encore baiser, la congrégation des grosses qui ne font jamais de sport, le groupe des folles incultes et non mélomanes, et enfin l'association des tapettes qui ne sont jamais allées au Queen. Daniel, debout sur l'estrade, prend la parole. Merci à vous tous d'être venus. Nous connaissons tous l'importance de cette réunion. Cris, applaudissements dans la salle. Apparemment, tout le monde connaît la raison de cette assemblée. Tout le monde, sauf moi. Mais ça va hyper bien, je trouve, avec ce que disait Antoine sur... je sais plus quel mot il a utilisé, mais les sous-catégories LGTB là ouais. Et puis c'est la diversité aussi, je trouve, qui est marrante et hyper intéressante pour faire la révolution. Il y a toutes les compétences dans cette dans ce défilé. C'est vrai. Quand même, ça nous amène à... On avait quand même envie de faire quelques critiques. Enfin, c'est pas forcément des critiques, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on lit ce livre, en 2024, eh ben, y a des moments où on a un peu le poil qui s'hérisse, quoi. Il y a des trucs qu'on dirait plus. Et heureusement, je pense. Notamment des manières de parler de groupes de personnes racisées. Bon, là, il y a eu l'exemple des folles brésiliennes, mais il y a aussi à des moments beaucoup de fétichisation et d'exotisation de gays racisés, notamment des gays arabes. Enfin, à différents moments du livre, ça revient quand même. On m'en parlait tout à l'heure avant l'émission, une manière de parler un peu qu'on retrouve beaucoup dans les écrits des années 70, par exemple. Et sur Grindr actuellement. Sur Grindr actuellement. Mais qu'en tout cas, dans les milieux politisés aujourd'hui, et heureusement, personne ne s'exprime plus comme ça, parce que c'est raciste, quoi. Ouais, ça passerait plus. Ouais. Et en même temps, c'est aussi ça qui est marrant, parce que tout le monde en prend pour son grade. Alors oui, il y a de l'exotisation, on a parlé tout à l'heure aussi des rapports d'âge, il y a des trucs un peu ambigus ou pas, mais voilà, les préjugés sur les gouines aussi, hein, parce que quand même, Stonia La Rouge, la reine des gouines, il n'y a que des camionneuses qui sont en ranjo. Bon, on est quand même dans la caricature, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui font plus grincer que d'autres. Mais tout le monde en prend pour son grade quand même. C'est ça, tout le livre est dans la caricature, et je pense qu'il y a des caricatures qui font guérir plus le poil que d'autres, quoi. Voilà. Parlant de gouines... Est-ce qu'on n'écouterait pas l'interview d'une amie Gwyn Butch, pour qui ce livre est aussi culte depuis très longtemps ? Superbe transition. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir ce bouquin ? Bah, j'ai adoré. J'ai vraiment vachement adoré de lire un truc où... nos identités. Bah, quand je vais dire nous, ça va être transpédéguine à chaque fois. Voilà. Alors, où nos j'ai adoré lire un truc où nos identités elles étaient mises en valeur, qu'on avait une super héroïne à laquelle on pouvait s'identifier, qu'en même temps elle n'était pas parfaite, elle avait aussi ses failles, du coup ça faisait vraiment une identification simple, quoi, accessible. Et du coup, une forme de modèle. Le livre, je ne sais plus précisément en quelle année il est sorti, mais c'était le début des années 2000. Et on manquait plus que maintenant, je crois, de représentation, quoi. Ce livre de représentation positive et qui fait rêver, parce que le livre porte aussi des idéaux anticapitalistes, anti-flics, qui font rêver. On a été dans une sorte d'émulation communautaire transpédéguine. Et ce livre, je trouve, il est arrivé super bien parce que ça nous a fabriqué, ça nous a alimenté l'imaginaire collectif, quoi. Et ça nous a fait un peu rêver, faut dire. C'était important, ça. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui parlaient un peu de nous, enfin, qui parlent de nous et qui nous font rêver. Ça, c'était vraiment bien joué. Ce que ce bouquin, il m'a inspiré, bah, je pense que mon délire, enfin, qui n'est pas que un délire avec Sainte Gwynas que j'adule, il vient en partie de cette lecture et de ce besoin d'avoir aussi comme des super-héros, des super-héroïnes qui nous représentent. Et je pense que oui, le personnage de Sainte Tapiole, il m'a inspiré d'avoir envie de faire exister dans mon discours Sainte Gwynas qui nous protège, qui en même temps vit en chacune de nous, comme je dis souvent, et que c'est comme une représentation de nos forces collectives. Et si je pousse un peu le bouchon, je dirais même une forme de spiritualité, quoi. Et ça fait du baume au cœur, ça fait du bien, ça réconforte dans ce monde hostile. Voilà. Il y a d'autres bouquins ou d'autres trucs qui te font un peu ça, d'inspiration, d'imaginaire. Qui m'ont inspiré plus récemment, j'ai bien aimé aussi lire Devenir chienne. Mais pareil, j'ai trouvé ça donne de la force dans des identités jugées déviantes, même parfois à l'intérieur de nos communautés transpédéguines. Et je trouve que c'est le cas, c'est ce qu'elle donne aussi, Sainte Tapiole, c'est remettre de la valeur dans des identités qui sont dévalorisées par le monde extérieur, mais qui malheureusement sont aussi trop souvent dévalorisées à l'intérieur même de nos communautés. Alors que c'est des, par exemple, pour les tapettes, c'est des personnes qui sont très exposées puisque très visibles. Du coup, pour moi, c'est une grave erreur stratégique de ne pas être en solidarité avec ces personnes, quoi. Voilà, donc c'est super qu'il y ait des déviants, des frics, des chelous, des bizarres qui ont des super-héroïnes. Nous aussi, on a droit. C'est quoi ton passage préféré du bouquin? c'est dur. Mais quand même, il y en a deux que j'aime beaucoup, mais il y en a un qui sort un tout petit peu plus. c'est le passage dans le train où il y a une petite famille et il y a le père, si je me rappelle bien la scène, il y a le père de famille qui fait un peu des œillades à Sainte-Papiole, quoi. Et elle a une petite tirade sur les bisexuels pas visibles, c'est-à-dire que là, il me semble qu'elle parle des hommes hétérosexuels en couple avec des petites familles et qui sortent le soir leur chien pour aller se faire sucer la bite sur des quais ou dans des endroits de rencontre, mais qui se baladeraient pas au bras de leur amant. Et donc, dans ce train, elle a une proposition de sexe par ce mec et elle y va pas parce qu'elle refuse finalement de se faire invisibiliser. En tout cas, c'est ma lecture du truc. Et elle refuse aussi de ne pas se faire traiter à sa juste valeur. C'est-à-dire que si elle veut baiser avec quelqu'un, bah, elle n'a pas envie que ce soit dans les chiottes d'un train, que ce soit inconfortable, que ce soit caché et tout ça. C'est ce que je comprends de cette scène. Et je trouve que c'est... ça dit plein de choses, quoi. Ça réaffirme une force, une fierté de son identité, qu'elle ne se laissera pas rabaisser. Et ça me plaît que Sainte-Tapiole, ce soit un personnage qui ne veut pas s'intégrer, qui déborde, qui n'est pas intégrable, d'ailleurs, je pense. Et ça me renvoie à l'auteur Hervé Brison. Il a fait partie du Phare et ça me fait penser à leur critique de la famille nucléaire. Et je vois ça aussi dans cette scène, de pas faire connivence avec un père de famille à ce moment-là dans ce train. Bah, c'est aussi refuser ce modèle. C'est ouais. Voilà. Alors, pour ma scène préférée. Enfin, ma scène. Mon moment préféré. Mais il y a un autre moment que j'adore, c'est quand il raconte pourquoi il adore les folles. Parce qu'elles sont gentilles avec la belle-mère, parce qu'elles tiennent la porte à la mamie, des trucs comme ça. Que des trucs de personnes gentilles. Ça aussi, je trouve que c'est un trop, trop mignon passage. Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes pas trop dans ce livre ou qui t'ont moins plu ou, tu vois ? Franchement, là, tout de suite, je m'en rappelle pas. Certainement. Mais j'avoue que là, je pense que ça fait plus de 6 mois que je l'ai pas lu. Parce qu'il faut dire que je le lis, je pense, à peu près une fois par an. Parce que je le conseille quand on a besoin de reprendre un peu de force. Et là, comme ça, je pense pas à un truc qui m'a pas plu. Mais, ouais. J'ai adoré la proposition qu'on nous emmène dans une histoire comme ça. Et du coup, même s'il y a des petites choses qui m'ont pas plu, bah, je m'en souviens pas. Eh bien, trop bien, merci pour ce témoignage. Et puis, ben, pour te remercier pour ce témoignage, pour notre cher Butch, on va lire ce petit passage bref. Dans le TGV pour Paris, Alia de Babacool se muta en femme d'affaires. Elle étala ses dossiers et, armée d'une machine à calculer, se mit à faire ses comptes pour les restaurations de ses appartements. Moitié somnolent, je vis bien que le jeune papa assis 2 rangs plus loin n'arrêtait pas de se retourner vers moi, assis à côté de sa petite fille et derrière sa femme. Il finit, pour attirer mon attention, par se masser discrètement le paquet tout en me regardant. J'en fis de même. Il se leva pour aller aux toilettes au bout de wagon, et ne voyant pas la lumière rouge s'allumer au-dessus de la porte, je compris qu'il n'avait pas fermé le loquet de la porte. Je ne me suis pas levé, car grâce à Hans, je commençais à me forger une éthique. Une morale du cul. Je m'interdisais de baiser avec un mec marié. Et puis quoi encore ? Déjà, à 16 ans, ces types me faisaient gerber. Le jour, la femme, les enfants, le bonjour poli à la concierge, le sourire entendu à la secrétaire, la respectabilité. Et la nuit venue, quand leurs couilles les travaillaient, ils sortent le chien, acheté 2 semaines après leur mariage pour pouvoir aller se faire sucer au parc le plus proche de chez eux. Je croirais à la bisexualité le jour où je verrais un mec vivant en couple avec un garçon en toute simplicité, boulangère du coin de la rue et famille au courant, et qui se cacherait pour aller baiser avec une femme, à la sauvette, sans oser l'avouer à sa mère. Bisexualité, mot pratique pour toutes ces couilles molles qui se disent bisexuelles. Ces bi de confort et de peur, qui trouvent normal d'embrasser leur femme dans la rue mais qui ne le feront jamais avec leur petite amie. Ces bi qui veulent le lave-vaisselle vidé quand ils rentrent le soir et la balançoire à fist-fucking la nuit. Ces bi, de nouvelle génération qui traitent les PD de sectaires mais qui sont incapables de présenter leur amant à leur copain de bureau. Ces bi, plus honteux que la plus honteuse des folles, qui vous sortent les discours sur l'ouverture d'esprit, le refus de l'étiquetage, après s'être fait enculer dans des chiottes de gare, mais qui tiennent plus les mêmes propos en regardant le journal de 20h avec leur femme. Ces bi qui, une fois leur coup tiré, rentrent vite sous la couette conjugale, car on ne fait pas attendre sa femme, mais on peut planter là son mec, les cuisses encore ouvertes. Mon petit papa du train, je l'ai laissé seul dans ses toilettes. Il n'avait qu'à demander à sa femme de venir se faire sauter plié en deux sur la cuvette. Et moi, je voulais revenir sur ce magnifique interview de cette bouche, quoi, parce que c'est à cette bouche-là, non mais c'est vrai, c'est à cette bouche-là, la même qui parle, quoi, que je dois la découverte de ce bouquin, puisque c'est bien cette bouche-là qui m'a prêté le bouquin, je dirais dans des années 2009-2010, un truc comme ça. Je l'ai pas lu directement et je trouve ça hyper marrant et intéressant aussi de voir que comment on se transmet nos cultures en fait. Bah c'est une bouche qui me file le roman le plus pédale qu'on puisse imaginer quoi. Donc, évidemment la lecture m'a subjugué et voilà comment on se transmet les trucs et de manière complètement pas hasardeuse en fait, mais pas du tout ordonnée, hiérarchisée ou comme on pourrait s'y attendre. Et c'est finalement ce bouquin-là que j'ai prêté, qu'à force de le prêter, on ne l'a pas rendu, du coup on l'a scanné, on l'a photocopié, et c'est comme ça qu'il est arrivé dans les mains d'Antoine de Terrasse Édition. Donc finalement, si je vais jusqu'au bout de ma conclusion, c'est à une bouche qu'on doit la réédition de La vie rêvée de Santa Piolle. Je trouve ça magnifique. Et ce qui est fou, c'est que avec Alex, quand on a pensé à interviewer CC pour cette émission, on ne savait pas du tout que c'était CC qui t'avait donné le livre. Et moi, je savais que c'était toi qui l'avais fait lire à Antoine, mais je ne savais pas que c'était CC qui était à l'origine de tout ça. Du coup, je trouve ça encore plus fou. Voilà. Et en plus, on a même une interview d'elle dans notre émission. C'est la première bouche, je pense, qui passe dans Pédale Scandale. C'est vrai. On t'embrasse si tu nous écoutes. On écoute un petit morceau de musique. On va écouter. Alors ça non plus, c'est pas souvent, je pense, dans Pédale Scandale, parce qu'il y a pas beaucoup de PD ou de gays qui font du black metal. Mais on va écouter un groupe de black metal. Et voilà, ça s'appelle, le groupe s'appelle Gayland et le morceau c'est Gay for Pay. vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission Pédale Scandale. On est dans cette émission, on vous parle du bouquin La vie rêvée de Sainte Tapiole de Hervé Brison. Et on vient d'écouter Gay for Pay du groupe Gaylord. Et on arrive vers la fin de cette émission et on voulait terminer avec un dernier extrait de la discussion qui a eu lieu du coup avec Hervé Brison, le début mai, l'auteur de La vie rêvée de Sainte Tapiole. Pourquoi finir avec ce passage? Parce qu'en fait, dans cet extrait, il parle de l'importance qu'il y a, selon lui, à rester subversif et radical. Et on trouvait que c'est encore très fort d'actualité aujourd'hui. Et c'est un peu une réponse à toutes celles qui pensent que la lutte, ça passe que par des changements institutionnels ou faire changer l'opinion des masses. Qui restent très critiques sur l'action directe en groupe affinitaire. Voilà. Je pense que c'est des discussions que j'ai pas mal en ce moment et que notamment j'ai eu aussi beaucoup après la présentation de ce livre avec des personnes qui étaient présentes aussi, entre des fois des trucs qui peuvent aller ensemble et qui sont aussi des fois contradictoires d'action directe en groupe affinitaire et de trucs plus larges et institutionnels. Voilà, du coup, on avait envie de finir par ce petit passage. Mais je continue à penser qu'il faut être subversif. Voilà, je continue. C'est que c'est pas parce que la loi te donne des droits, et c'est très bien que tu les donnes. Si vous voulez m'insulter, vous me le dites. C'est très bien que la loi te donne ses droits. Mais Après, ils n'ont pas encore lu le livre, c'est pour ça. Il faut continuer à être subversif et impertinent et je vais dire agressif. Je pense que rien ne change. Enfin, si, dans l'inscription des lois et de la durée, ça s'inscrit. Mais je pense qu'il faut être réellement agressif et intrusif. Mais je pense que c'est pas pour rien que dans ton livre, quand même, tout ce qui représente l'homonormalité, c'est-à-dire le père, tu vois, bourgeois, enfin le premier père adoptant de l'enfant, et après, qui du coup est nul et pas intéressant, et après le couple de Gwynne, qui est quand même très sympathique, qui disparaît de manière violente, il y a quand même une espèce de répulsion à l'idée que les personnes disons, LGBT, PD, Gwynne, trans, se fassent intégrer dans le modèle familial traditionnel. Il y a quand même, tu veux pas, il y a quand même un truc que, enfin, le livre, c'est comme une sorte de pensée straight, mais version toi. Je pense réellement que, de toute façon, pour ce combat, enfin ce combat, c'est pas un combat, mais pour cette cause, il faut réellement rester aiguisé sur le biais. C'est-à-dire que chaque fois que la société te donne une possibilité de dire maintenant c'est bon, t'es tranquille, fais partie du courant, je sais pas. Faut le prendre parce que c'est important, faut le prendre. Moi j'ai perdu mon mari il y a 4 mois, il y a 44 ans ensemble. Heureusement, on s'est mariés en Espagne, hein, parce que en France, donc tout ça c'est bon, mais c'est pas l'unifiant, je veux dire, il faut rester sur le fil du rasoir, voilà. Merci Hervé pour ces belles paroles, que je trouve très vraies, moi. Du coup, on arrive vraiment à la fin, cette fois, de Pédale Scandale, et on va finir par un petit agenda militant. De cette semaine et un petit peu de la semaine prochaine aussi. Pour commencer, mercredi, du coup, après-demain, à 18h, c'est la journée de la Nakba. Et du coup, il y a une marche pour demander un cessez-le-feu immédiat. C'est à 18h, départ Bourse du Travail. Voilà pour mercredi. À mercredi midi aussi, il y a la cantine à la Cale. Voilà. Samedi, c'est le 17 mai, c'est l'IDAO, la journée mondiale de lutte contre les LGBTQI-phobies et dans le contexte actuel bien transphobe en France, eh ben, y a un appel à faire des marches un peu partout, comme la journée du dimanche dernier, là, le 5 mai. Et du coup, à Santé, la marche contre les lois transphobes, c'est samedi 13h, départ Bourse du Travail, avec une marche jusqu'à Hôtel de Ville et des prises de parole à Hôtel de Ville. Et du coup, c'est bien 13h parce qu'au départ, ça a été annoncé 14h, mais ça a été avancé à 13h pour que les personnes puissent rejoindre après les rassemblements du samedi appelés par l'Union 42 pour la Palestine et du coup, de pas faire deux rassemblements qui en même temps quoi. Du coup plutôt c'est 13h pour contre les lois transphobes et 15h en soutien à la Palestine. Et le rassemblement en soutien à la Palestine c'est tous les samedis à Jean Jaurès. Dimanche il y a une nouvelle cantine pour cantiner à la Tablée à partir de midi et cette fois c'est en soutien à l'asso Idir Espoir et Solidarité. C'est une asso qui s'est créée suite à la mort de Idir Medeiros au mitard de Corba en septembre 2020. Et dans les trucs aussi qu'on voulait annoncer, le 25 mai, il y a une soirée de soutien à des meufs trans d'Istanbul. C'est à la Pistoche et il y a Mauve, une rappeuse de Grenoble qui joue et des DJ, mais je me souviens plus les noms. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez trouver toutes ces infos sur le numéro 0. Et ben pour illustrer tout ça, on va vous laisser avec un morceau qui s'appelle Pénis de femme, qui est sorti dernièrement par un groupe qui s'appelle Deserty Girls, et c'est une réponse au livre de Dora Mouto et Marguerite Stern, Transmania, qui est un livre complètement réac de droite et complètement transphobe. Et du coup, on écoute Pénis de femme, on vous laisse, on se retrouve le mois prochain. Continuez à écouter Radio Dio. Peut-être qu'après nous, il y a Divinéo, on ne sait pas, il n'est pas encore arrivé, alors peut-être, ou peut-être ce sera les bandes. Et ouais, écoutez, Radio Dio, surtout le mois de juin, et on prépare un mois de live à la radio. Mais vous en saurez plus tout bientôt. Et peut-être qu'il y aura des lives queer d'ailleurs. On verra bien. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Pénis de femme. Pourquoi ? Chaque nuit en secret, on s'introduit dans les toilettes des vraies femmes, comme on dit. On fait pipi debout sous les néons, car c'est notre projet et c'est notre passion. Gargarisme terne et de rats moutons, les meufs habitent, nous rametons. Non mais moi je pense qu'elles ont quand même le droit d'être des femmes, même si elles n'ont pas de pénis. Pénis de femme, mon genre, ton drame. Regard de trave sur entre jambes, comme le dragon dans la légende. Crache des flammes, pénis de femme. T'as fait l'école des femmes ou quoi ? Excuse-moi, t'es un garçon ou t'es une table ? Laissez-nous perdre au foot, battez-nous aux échecs. Coupez-nous quand on parle, surtout parlez-nous mal. Payez-nous moins que les mecs, suivez-nous dans la rue. Tout comme des vraies filles, parlez-nous de nos culs. Laissez-nous nous haïr, mettez-nous en tempête. Faites-nous des bébés, des jumeaux, des triplés. Réarmement démographique, armé de meufs avec des bites. C'est tellement bon pour le passing quand tu me traites d'hystérique. pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entre jambes, comme le dragon dans la légende, cracheur des flammes, pénis de femme, mon genre, ton drame, regard de trave sur entre jambes, comme le dragon dans la légende, cracheur des flammes, pénis de femme. Tu t'es fait emporter par une ritournelle de Philip Glass. Juste avant, tu découvrais peut-être la très talentueuse québécoise Clopelgag avec le morceau Rayon X. Encore avant, c'était ambiance country very calm avec Tin Hat Trio. Et encore avant, tu découvrais le dernier EP de Joe Harmon Jones qui rencontre Mala, une fusion entre le jazz moderne et le dubstep. C'est onirique et c'est éclectique. C'est proposé par Anna Cooks sur le 89.5. Live and direct.